venir pour te retenir. J'ai encore ce visage que j'admire. Pour t'attirer, encore te contempler. Au sommet de voilà tes rêves éveillés. J'ai encore tant à te dire. Comme les géraniums sur le bord de terrasse, je ne parle à personne, je m'endors de l'éclat. Quand on nous refuse l'entrée dans les grottes sacrées. Tout retrouver de cette félicité, de ce mariage blanc. Et pour tout raconter de ces années passées sans vraiment rien dedans. Pour me souvenir, pour te retenir, j'ai encore ce visage que j'admire. Et pour t'attirer, pour te contempler, au sommet des voies lactées de mon bébé. Je ne parle pas.